Bon, vous voyez, il y a un consensus comme ça dans le Nouveau Testament. C'est pour ça qu'on appelle ce modèle le modèle standard, normatif. Hein. Mais on continue à lire et puis tout d'un coup on bute dans le modèle absolument opposé. Absolument opposé, contraire. Le modèle contraire. Où le ministère est l'apanage d'un petit nombre trié d'une manière choquante presque. Car d'après, alors je parle ici des épîtres pastorales, n'est-ce pas ? D'ailleurs, le problème a été évoqué ce matin dans une des questions. C'est-à-dire, en particulier, la première épître à Timothée, chapitre 2 et chapitre 3, et chapitre 1er de l'épître à Tite. Donc, on parle essentiellement de ces trois chapitres ici, où toutes ces exclusions sont très nettement indiquées. D'après ces passages, est-il permis d'enseigner, de gérer les affaires de l'Église, de participer à la vie de l'Église en tant que dirigeant, en tant que responsable, comme diacre, comme évêque, comme ancien? Certains de ces termes sont interchangeables dans le Nouveau Testament. Qui ? Eh bien, il y a une condition préalable absolue au verset 4 et 5 du chapitre 3 de Timothée. Timothée, chapitre 3, versets 4 et 5. Il faut, en plus de toutes les qualifications, en plus de toutes les qualités spirituelles et de caractère, il faut, pour accéder à ces fonctions, que la personne soit, verset 2, d'abord, mari d'une seule femme. Donc, verset 12, pareil pour les diacres. Donc, il faut que ce soit un homme. Il est difficile à une femme d'être mari d'une seule femme. Ensuite, il faut que la personne ait des enfants qui soient dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Autrement dit, le statut familial, l'état civil du candidat est indispensable pour que ce candidat accède au ministère. La manière dont cette personne gère sa maisonnée est preuve de son habileté, de sa capacité à gérer l'Église et à exercer les ministères d'enseignement, etc. Alors, ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option, c'est une condition qui est très nettement indiquée, pas une seule fois. Alors, qui est donc exclu du ministère de leadership, etc., dans l'Église ? Eh bien, d'abord les femmes, bien sûr. Et puis qui d'autre ? Les célibataires, les hommes célibataires, en tout cas. Donc, les hommes célibataires, les hommes mariés sans enfants, hein ? Les hommes mariés avec un seul enfant, parce qu'il est dit, des enfants, il faut qu'ils aient des enfants. Les hommes mariés avec des enfants, si les enfants ne sont pas assez âgés pour professer la foi, parce que dans Tite chapitre 1, il est dit qu'ils doivent, les enfants doivent être des croyants. Dont les petits chenapans, hein, qui n'ont pas encore la facilité de professer la foi, bon, ça exclut le papa. Donc, des hommes mariés qui ont des enfants qui n'ont pas la foi ou qui sont trop petits pour professer la foi sont exclus. Qui donc ? Des hommes mariés qui ont des enfants qui professent la foi, qui sont des croyants, mais qui ne sont pas obéissants, ils sont exclus. Et aussi exclus sont des hommes mariés qui ont des enfants, qui sont croyants, qui sont obéissants, mais qui ne sont pas soumis en toutes choses, parce que c'est indiqué aussi ça. Ben, je sais ce que vous pensez. En fait, si j'oserais, je vous demanderais combien parmi vous... Je sais que la plus grande partie de ma vie, peut-être même maintenant, j'aurais jamais dû m'approcher du ministère, d'après ces conditions. Mais elles sont dans la Bible, elles sont dans le Nouveau Testament, et elles doivent être prises au sérieux. C'est un texte qui est là et qui doit être pris très au sérieux. Et personnellement, je prends très au sérieux. Mais en même temps, je me rends compte de la contradiction profonde qui existe entre ces textes et le reste du Nouveau Testament, Actes, Épîtres, etc. Enseignement du Seigneur Jésus aussi. Bon. Quelle est l'explication ? Eh bien, l'explication, elle est là. L'explication est dans le livre des Actes, l'explication est dans le texte lui-même, lorsqu'on se rend compte que ces deux épîtres, Timothée et Tite, ont été écrites à des pasteurs temporaires qui étaient à leur poste, mais dans des situations de crise profonde qui menaçaient la survie même de ces églises. Il y avait des problèmes dans l'église de Corinthe, mais rien de pareil à ce qui se passait dans cette église, surtout à Éphèse, l'épître qui a été écrite à Timothée. Il y avait eu des faux docteurs qui étaient venus. D'ailleurs, l'apôtre Paul avait prédit les troubles qui allaient assaillir cette église. Vous vous souvenez que, en passant par Éphèse, il s'était arrêté dans le petit port de Milet et qu'il avait appelé les anciens d'Éphèse pour venir. Il avait pleuré avec eux parce qu'il a dit « Je vois que dans l'avenir, il y aura des loups ravisseurs qui vont venir et qui vont s'acharner après cette congrégation à Éphèse. Et certains d'entre vous qui vous tenez ici, vous allez devenir des ennemis. » De cette congrégation et vous allez les disperser. Et lorsque cette épître a été écrite, c'était arrivé, il y avait toutes sortes de dissensions, de scissions, de divisions, de querelles dans cette église et l'église était dans un état pitoyable. Et l'apôtre Paul, ce qu'il fait ici, il établit la loi martiale. Il dit qu'il faut sauver les meubles au moins. Et c'est presque le naufrage complet. Il faut prendre des mesures radicales. Une situation de crise qui appelle à des mesures de crise. Et ce qu'il fait, il dit tout le monde la boucle. Personne ne parle plus, sauf certains qui ont fait preuve de capacité dont a besoin l'Église maintenant, capacité de management. L'explication que je vous propose peut être... Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ? Eh bien... J'efface le tableau. peut-être illustrer de cette manière. Voilà un continu. D'un côté, il y a l'état idéal que on a appelé quoi ici? Le modèle normatif, c'est-à-dire la norme, c'est-à-dire ce qui devrait être. Mais de l'autre côté, il y a le modèle chirurgical. Il s'agit de ça, c'est un remède. Un remède. Comment vous l'appelez sur le... Bon, curatif. Ce modèle curatif s'applique à des églises, et hélas, il y en a, en situation de crise. Ce sont des églises malades ou des églises, peut-être, des implantations d'églises, des églises encore immatures. Et le but de ces mesures, ce n'est pas de maintenir ces églises dans cet état, mais au contraire, c'est de les encourager à progresser vers le modèle normatif, qui est celui des églises saines, en bonne santé. Et des églises en condition de maturité. Mais alors, comment il fait l'apôtre Paul? Eh bien, voici ce qu'il fait. Pour ramener l'église à l'ordre, il restreint avec beaucoup de rigueur les qualifications. Il les redéfinit en les restreignant. Les qualifications pour la structure de l'Église, de façon à instaurer des mesures institutionnelles. En effet, un leadership lourd qui pèse avec très peu de participation au ministère. En fait, dans ces épîtres, personne n'a droit au ministère. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de prier. Il n'est pas question de communauté, il n'est pas question d'église en tant que communauté. L'église est statique, c'est le pilier de la vérité. Il n'y a pas même de mention de l'Esprit Saint actif parmi la communauté. Il n'y a pas de participation au ministère, etc. Mais alors, quel est le but? Le but de cette institutionnalisation de la communauté malade, c'est justement de rétablir assez d'ordre pour encourager le retour ou bien la création à la communauté. Communauté. Et alors, ce que je voudrais que nous comprenions tous ensemble, c'est que toutes les églises se trouvent ici sur ce continu, quelque part. Par exemple, si l'église d'Éphèse à cette époque-là était ici, plus tard, elle progressera grâce à ces mesures. En fait, il y a une autre épître aux Éphésiens dans le Nouveau Testament. Où est-elle? Voilà, dans l'Apocalypse. Et que nous est-il dit là? Que l'Église a contré les faux docteurs, qu'elle a surmonté cet enseignement, ces faux enseignements, mais qu'elle a perdu quelque chose en route. Quoi? L'amour. C'est-à-dire le lien de la communauté, il a disparu et elle a des progrès à faire. Peut-être que l'Église à Corinthe, à l'époque où Paul a écrit la première aux Corinthiens, était ici. Peut-être que Galate était quelque part ici. Philippe a l'air de bien se débrouiller, l'Église à Philippe. Colosse peut-être ici. L'Église dont je fais partie, elle vacille un peu par-ci, ici, là, comme ça. Des fois, elle va à rebours et puis des fois, elle progresse. Et puis, je suis sûr que les églises au Canada francophone sont toutes ici. Donc, vous voyez, il y a une logique pour ces deux modèles dans le Nouveau Testament, mais il faut savoir à quelle situation le modèle s'adresse. Bien souvent, on applique ce modèle curatif à des églises qui ne sont pas particulièrement malades. Et qu'arrive-t-il à une personne qui n'est pas malade si on lui donne des remèdes très forts? On la rend malade ou bien on la tue. Et il y a beaucoup d'églises qui sont en train de mourir justement à cause de ça, parce qu'elles n'arrivent pas à décoller, à devenir communauté. Elles sont tuées par l'oppression de l'institution qui ne les libère pas pour qu'elles puissent s'épanouir. Bon, eh bien, je vais en rester là pour cette leçon, parce qu'il nous reste quelques moments encore, au cas où vous auriez des questions. Vous voulez venir ici? Vous avez parlé de modèle curatif et vous avez associé les églises en implantation avec ça. J'espère qu'il y a des exceptions. Oui, ça dépend. Oui, bien sûr. Ça dépend du personnel qu'on a. Il y a situations d'implantation, on commence avec rien. Moi, je sais que lorsque nous avons commencé, cette église dont il avait été question ce matin, il y a 25 ans, eh bien, on a commencé là. Il y a trois d'entre nous qui se sont constitués en leadership team. Et puis, nous étions très institutionnels à cette époque-là parce qu'il n'y avait personne d'autre, en fait. Mais alors, justement, c'est ça, le rôle du leader. Qu'est-ce que c'est? Le rôle du leader, c'est de développer la communauté, c'est de développer la participation. C'est de s'investir un à un dans d'autres pour encourager les charismes individuels afin que la communauté se développe. Si le leader reste et fonctionne en tant qu'un leader comme c'est défini là-bas dans le monde, eh bien, dites au revoir à l'Église, c'est fini, elle reste institution pour toujours. Oui, le rôle du leader, je vous le rappelle, vous souvenez de notre diagramme ici. C'est le rôle du leader, c'est de soutenir, d'encourager, de développer d'autres leaders. Parce que souvent dans les églises en implantation, il y a tellement peu d'expérience, alors ils n'ont pas de modèle tout préconçu, tout patenté d'avance. Alors il y a une espèce de saine innocence qui fait que ces gens-là avancent vers un modèle communautaire très facilement, qu'on ne retrouve pas dans certaines institutions où tout est régimenté, tout est organisé depuis 50 ans, et puis on en reste malade toute notre vie. Eh bien, Dieu merci, il y a parfois des implantations d'églises où il y a cette spontanéité, n'est-ce pas, ce désir de participation, de se donner à l'œuvre, qui fait qu'on peut démarrer en communauté, mais c'est rare. Généralement, il faut quand même qu'il y ait une certaine structure pour tenir les choses ensemble, pour qu'il y ait de l'ordre et puis pour aller de l'avant. Merci d'avoir parlé de faire le beau. Je vous en prie. C'était pour revenir à ce qu'on avait parlé. Comment? Plus fort, juste, plus près. C'était juste pour revenir à ce qu'on avait parlé tantôt sur 1 Timothée 2, les versets 13 et suivants, sur le rôle de la femme dans l'enseignement dans l'Église. Sur où, vous voulez? Le rôle... La référence que vous me donnez, c'est quoi? 1 Timothée 2, verset 13. Oui. Et quand Paul fait référence que la femme ne peut pas t'enseigner tout seul. Voilà. Et donc, l'apôtre, merci. Au chapitre 2, verset 13, l'apôtre Paul dit la femme... Ah, vous n'avez pas fini? Non, mais c'était juste pour... Ah bon, allez-y, allez. Mais approchez-vous du micro. OK. C'est ça, donc Paul fait ressortir surtout l'ordre créationnel dans les versets suivants, oui. Que c'est Ève qui a péché la première, donc c'est pour ça que la femme ne peut pas t'enseigner. Bon, et, d'accord. C'était pour ça. Merci bien. Oui, alors la raison pour laquelle... Paul ne permet pas à la femme d'enseigner dans cette situation, d'enseigner, parce qu'il le permet autre part, d'enseigner ou d'avoir de l'autorité sur l'homme, il est dit, ce n'est pas la situation créationnelle, mais c'est l'histoire de la tentation. Il mentionne que l'homme a été créé en premier, il n'en tire aucune leçon, sauf une. La femme a été tentée, elle a été trompée, et puis elle est devenue pécheresse. Elle a transgressé. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça a fait avec les femmes qui enseignent aujourd'hui? Surtout lorsque, dans l'Épître aux Corinthiens, aux Romains, la faute pour la chute incombe à l'homme, à Adam. Par qui est venu le péché et la mort. Eh bien, ce qu'il y a dans ce passage, c'est que l'argument n'est pas tiré de la création, mais de la tentation, de l'histoire de la tentation. Et la tentation, de quoi s'agissait-il? Eh bien, il s'agissait de ce que la personne qui était la moins indiquée, préparée pour faire face à la tentation, a pris le leadership, s'est mise en avant, alors que l'autre, celui qui avait été enseigné par Dieu, était en retrait, et ainsi le péché a été introduit dans le monde. Et c'est un peu ce qui s'est passé, lorsque vous lisez l'épître à Timothée, c'est ce qui s'est passé à Éphèse, le lieu de l'adoration de Diane, vous savez toute cette histoire, le temple. Le temple était la plus grande institution dans le monde ancien, ce temple à Éphèse, pour la pratique du sexe. Ces femmes, elles avaient pris des positions de leadership dans l'église à Éphèse et elles avaient introduit des enseignements qui n'avaient rien à faire avec l'Évangile. Et c'est dans cette situation que l'apôtre Paul dit que les femmes ne doivent pas enseigner. Maintenant, disons qu'on ne soit pas d'accord avec cette explication à partir de la tentation qui est présentée comme un exemple. Si nous allons pratiquer avec rigueur l'interdiction au chapitre 2, les restrictions qui sont posées sur la femme, mais on doit en faire de même avec les restrictions qui sont posées pour les hommes. C'est-à-dire... mariés, enfants, croyants, les enfants croyants, obéissants, soumis, etc. Et qui va déterminer si les enfants sont vraiment obéissants dans leur famille ou pas? Est-ce qu'il y a un comité de l'Église qui va juger de l'affaire ou bien c'est le candidat qui va en témoigner? Il ne nous est pas dit. Mais pour être conséquent, si on va insister sur les interdictions du chapitre 2 de Timothée, il faut en faire de même avec le chapitre 3. On ne choisit pas la fidélité à l'Écriture. C'est tout, ou bien alors il faut reconnaître qu'il y a là deux modèles différents qui s'appliquent à des situations différentes. Donc, l'Écriture continue à retenir sa validité de cette manière. L'Église primitive, au moment de sa naissance, ce que je comprends, elle est une Église normative. Maintenant, c'est une Église qui est tout à fait naissante, qui commence à, paf, instantanément, et elle devient normative, alors que les Églises qui existent depuis longtemps, tout à coup, ont besoin d'être équipées à travers le temps pour devenir normatives. Problème, hein? Hélas, qu'est-ce que je disais ce matin, l'Église a une manière de perdre son identité, d'oublier sa mission, qui fait qu'elle doit souvent se réformer, retourner aux sources. C'est ce que nous avons fait toute la journée, hein? Retourner aux sources. Et avoir l'humilité de dire, eh bien, repartons à zéro. Recommençons. Parce qu'on a perdu la route. On a dérapé. Nous le savons, d'après le Nouveau Testament lui-même, les églises peuvent être infidèles, hélas. Elles peuvent commencer bien et terminer mal. J'ai une question par rapport à quand vous avez dit qu'à la création, la femme est devenue esclave de l'esclave. Croyez-vous qu'à la croix, la condamnation elle a été enlevée comme la tour de Babel qui, depuis ce temps-là, les gens ne se comprenaient pas. Depuis Christ à la croix, maintenant, nous les chrétiens, on a le même langage, on se comprend. Comprenez-vous un petit peu? Est-ce que c'est deux choses différentes, mais ça l'a tombé à la croix, mais je veux savoir si l'esclave de l'esclave aussi... Bon. Très bien, bonne question. D'ailleurs, toutes vos questions aujourd'hui, elles ont été très à propos, et puis elles nous ont permis de pouvoir éclaircir certaines choses. Quel était le but du programme de rédemption? De rétablir les intentions initiales de Dieu dans la création. Donc, pour nous, ce n'est pas la chute qui détermine notre mode de vie, nos relations ensemble, parce que ce serait le désastre, hein? Ce n'est plus la chute, mais c'est quoi? C'est ce que Dieu avait indiqué dès le début dans son œuvre de création et ce qui a été réitéré dans l'œuvre de rédemption. Donc, il n'y a plus d'esclaves, sauf des esclaves du Christ, et nous le sommes tous. Mais autrement, nous sommes frères et sœurs, membres de la même famille. Il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus juif ou grec, mais nous sommes un en Jésus-Christ. Ces différences n'ont plus de signification pour nous. Pause de 15 minutes, c'est bon? Y a-t-il d'autres choses à ajouter, M. Vézéquin? Non. Je crois que tu voulais poser une question. Non. je l'ai retiré tout de suite. Pause de 15 minutes, on se retrouve à -20. Il y a du café, thé, des beignes en bas pour vous autres.